بسم الله الرحمن الرحيم. comprend les questions du premier exercice. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية. أولا من avancer نعم. ما معنى من محمد؟ من ça veut dire quoi؟ Il est vers en direction de. Attendez. C'est quoi les alamat, les signes du fa'il? مرفوع الى مرفوع واسم اسم وياتي بعد الفعل. نعم احسنت يا ابقى الفعل. طيب بقول لي اسئله. من اين انت عبد القادر؟ تفضل. انا من الجزائر. طيب ثانيا انت من الفلبين؟ لا انا من السنغال. من من الصين؟ الصادقي من الصين. ولا الصديق لا من الصين هو عمار النص والتكس عمار. Ah, c'est dans le texte qu'il faut répondre. Ah, c'était par rapport au texte. Non, mais si tu cherches un nom par rapport au texte, c'est Ammar. Maintenant, si t'invente, ben t'invente. Non, je voulais dire genre mon ami. Mon ami est de Chine. Donc il n'y a pas d'alif ou l'ami. Ah, ouais. C'est Sadiqi. Là, apparemment, les noms, c'est le nom du texte. Avolem. قال من من الصيني. pourquoi une fatha sur le nun من الصيني. deux fathas pas rencontrés. Non non, c'est parce qu'il y a alif ou lam et il y a deux sakines et deux sakines en arabe. Deux sakines, c'est pas deux fathas. Deux. Tu joues le tikasa fatha. Ah ouais. C'est le tikasa qui dain. Non, pour pas que ça compte deux là, deux half sakines. طيب من أين حامد؟ ما زلنا معك محمد. حامد من اليمن. أين ذهب عباس؟ عباس ذهب إلى المدير. ذهب علي إلى المدير؟ لا لا. ذهب إلى السوق. والمنحاض. ذهب للمنحاض. مير. مرحاض. ليش التكست؟ آخر جملة. إلى السوق سيبالون. Si le sens il est bon, c'est juste par rapport au texte, mais le sens il est correct. Il y avait que ça pour aujourd'hui. Non. طيب ندخل في الدرس الخامس. الدرس الخامس بارك الله فيكم. Il concerne. Je comprends pas, on voit min huruf, min huruf et jar. Pourquoi il n'y a pas d'alif ou lam en premier? À quoi? Min huruf. C'est le def d'aujourd'hui. Hein? Ça va être le def d'aujourd'hui, ça, tu vas comprendre. Ah, d'accord. طيب. Donc, le def d'aujourd'hui, il y a un concerne le mot d'af. والمضاف إليه مضاف والمضاف إليه المضاف والمضاف إليه en français ils disent le fait l'annexe et l'annexé le fait d'annexer une chose à une autre d'attribuer une chose à une autre une forme d'appartenance par exemple je dis هذا الكتاب مثلا لومعة الجكاد هذا هذا كتاب من هذا كتاب محمد طيب نعم هذا كتاب محمد فهذا في المضاف المضاف إليه المضاف في كتاب ومحمد في المضاف إليه مضاف تريدير Qu'est-ce que tu as dit, annexer ? Le fait d'annexer quelque chose. En arabe, c'est mudaf et mudaf ala. Ouais, mudaf ilayhi. Ilayhi, nam. Mudaf, ça fait. J'ai écrit sur ce sabour, alors je vais le mettre après de chemin. Voyez ? Donc, si tu veux lier une chose à une personne ou lier entre deux objets, faire un lien d'appartenance, ça fait que le mudaf, mudaf ilayhi. Voyez ? Le premier, c'est le mudaf. Et deuxième, c'est le mudaf ilayhi. Comme on a dit, مثلا, kitabu Muhammadin. Fa kitabu, c'est le mudaf. Wa Muhammadin, c'est le mudaf ilayhi. Et le mudaf ilayhi, il est majrour, il prend une kathra. Vous voyez ? Le mudaf ilayhi, il est majrour. Taïb. Comment on reconnaît les deux ? Le mudaf, il a pas déjà il vient en premier. Voyez, il vient en premier. Il n'a pas d'alif ou lem et il n'a pas de taïwun pareil à la fin. Ce sont ces trois signes. Voyez, il y a ti awalem, il vient en premier. C'est écrit sur ça, bon, on va le mettre après, inchallah. Parce que si vous écrivez, vous n'arrivez pas à écouter en même temps. Donc il n'y a pas d'alif ou lem. Et également, il n'y a pas de taïwun. Donc tu dis kitabu. Mais là tu es obligé de venir quelque chose derrière. Tu viens quoi ? Le mudaf ilayhi. Vous voyez ? Donc le mudaf ilayhi c'est quoi le, c'est à la base, c'est qu'il vient, il y a thaniyan, il vient en deuxième. Et il est majrour. Vous voyez ? Il est majrour. Donc tu dis par exemple, Hadha kitabu Muhammadin. C'est le livre de Muhammad. Donc là ça répond à ta question. Min huruf al-jar. Huruf, il n'y a pas d'alif ou lam, c'est le mudaf. El jar, c'est le mudaf ilayhi. Il fait partie des lettres de... Des lettres du jar. Des lettres du jar, ah d'accord. Magnifique. C'est pour ça que comme vous avez à chaque fois au début, qu'on écrivait quoi ? Huruf ou jar. Ou on avait écrit quoi encore ? Ismu shi'arati. Ismu nisha'arati. Ou ismu stifhamin. Ça vient là-dedans. Mudaf, mudaf ilayhi. Nam. Ça y est, ça vient là-dedans. Et des fois, le mudaf ilayhi, il peut être nakira. Le mudaf ilayhi. Comme là, il est nakira. Kitabu Hamidin. Hamidin, c'est un ism alam, il est ma'rifa. C'est un ism alam, il est ma'rifa. Par exemple, tu dis Kitabu Rajulin. Le livre d'un homme. Ah, c'est s'il n'y a pas Hadful. S'il n'y a pas Hadful Lem, le mudaf ilayhi est nakira. Donc tu dis Hadha Kitabu Rajulin, le livre d'un homme. Tu ne sais pas qui il est. Bikhilaf, tu dis Hadha kitabu rajuli. Ça fait le kitab de l'homme. Donc si le mudaf ilayhi il est ma'alifa, il prend pas de tanouïd. Et si le nakira, il prend de tanouïd. La robe d'une fille, nam. Une robe de fille, nam. Par exemple, quand tu veux différencier des choses, par exemple, tu dis ça, c'est pour les filles, on regarde. Là, tu peux dire qu'à Bajar à ce moment-là, c'est autre chose. Tu peux obligé pour le mudaf. Il est marfou. Pas forcément. Pas forcément. Il peut être mansoub, il peut être majou, ça dépend qui est avant. Par exemple, Rasulullahi. Rasul, mudaf. Allah, mudaf ilayhi. Rasulullahi, le messager d'Allah. Le Coran, Kitabullahi. Taïeb, Kitabullah, le livre d'Allah. Taïeb, Ka'bah, Baytullah. Taïeb, Bayt, mudaf, Allah, mudaf ilayhi. Ainsi de suite. Vous voyez ? On va lire le texte. طيب محمد انت سعيد و عبد القادر انت ياسر وانا اخذ عليا ان شاء الله انا تفضل سعيد نعم ايش في مشكلة كتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد نعم تسعى لي للآخر أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أبي أين دفتر عمار هو على هو على هو على مكتب المدرس هو على المكتب هو مفيد. على مكتب أيوة. المدرس يبقى ندير فولدر المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. طيب، هل هناك ديمو؟ نوفو؟ هناك. هناك. هناك. هناك. اسم إشارة للمكان. كي عندك أن ليو؟ لابا. هذا أين فلان؟ فلان هناك. لابا. طيب، مثلا اسم إشارة. يغنى لأسماء إشارة. من البروبر سبيسيفيك بور ديفينير أن ليو. ما معنى ظرف؟ ها؟ ظرف. ظرف؟ ظرف المكان. ظرف المكان c'est un lieu un nom indiquant un lieu. Ça viendra après inchallah. T'en es un mais on va C'est dans le texte là. Hein? C'est dans le texte là. Non non. Non non lui dans les notes de page ils lui ont mis. On saute pas les étapes. Ça viendra après inchallah. Un peu. Mais c'est vrai que c'est un ظرف. Non. Mais à la base ça est une إشارة. هناك اسم إشارة للمكان. هناك. نعم. طيب، après t'as dit حقيبة. حقيبة، ce serait la sacoche. La serviette. Ça peut être un cartable. Un petit sac. Même une valise. Donc. Mais là, je pense qu'ils veulent plutôt dire une serviette, une sacoche, non. Une sacoche. Serviette, non, sacoche. Non. Quand tu le vois en dessous du, Du bureau, ouais, voilà. Tu vois. Mais c'est aussi une Arkeba, c'est aussi une valise. Ça peut être un gros sac de voyage. Une cartable aussi, non. Ça pourrait être ça aussi. C'est général, quoi, ça dépend. En fait, souvent la Arkeba, comme on a dit, c'est employé pour un chose de gros, et pour ce qui est plus petit, c'est chanta. Tu vois, un petit sac où c'est chanta pour le petit et hakiba pour le gros en fait. C'est ce qu'on m'avait dit. Pourquoi chanta c'est comment un petit sac. Hein chantatun. C'est comment Shin, Dun, To, Ha. Là, il n'y a pas de Ha. C'est un alif Non, Ha. Chanta. Chanta. À la fin, c'est... Chantat. Ah oui, Chantatoun. Ouais. Ah, d'accord. Là, c'est lui que tu disais ça. Chantatoun. Il n'y a pas un Chantat, non? Hum? Il n'y a pas un Chantat? Chantat. Ouais. Je ne rappelle pas. Je ne peux pas Chantat. Je ne peux pas Chantat. Non, Adi. Donc, on a dit Hakir. Hakiba, c'est valise, sac. Non. C'est quoi d'autre? C'est tout ce qui tourne autour de ça. Il y a aussi kelimat tahta. Ali kala ya tahta al maktabi. Taht, ça veut dire en dessous. En dessous de. Voyez. Et généralement, ces noms-là, comme Tart, ils sont tout le temps Boudof. Et ils viennent derrière Boudof, en général. Boudof, qu'on va prendre aujourd'hui. Et derrière lui, il vient Boudof, il est. Tu verras rarement Tart tout seul. Tu vois, Tart, tu verras rarement venir tout seul. Même s'il vient tout seul, il y a un sous-entendu d'un Boudof, il est derrière. Et là, vous pouvez voir, il dit Yatarta, avec une fatha. Il est bon de soub. Ça viendra après, Inch'Allah, non. En tout cas, il est bon de soub. Il n'est pas marfou. Il est invariable. Il n'est pas majou. Là, monsoub. Invariable. Il reste toujours. Là, là. Il est monsoub. Il est monsoub. Il est fatha. Ah, il est bon. Mais tu peux pas trouver tahti. Tu peux trouver min tahti. D'accord, ça je veux ça. Tu peux trouver min tahti. Ah, ouais. Il est monsoub. Il n'est pas venu. Il n'est pas invariable. Il change. Et min tahti, ça veut dire quoi? Min tahti, c'est deux en dessous. Min, marlouf, min tahti. Le salam. Min ina jal walad, ja min tahti l'ouetaw, il est venu dans le sous de la table. Moi je dis, il est mansoub, il est pas babni. Il est mansoub, ça veut dire qu'il prend le fatha à la fin. Le pourquoi viendra après, Inch'Allah. Tayyib. Tayyib, on prend l'exercice. أجيب عن الأسئلة الآتية. أين كتاب موصوف الفعل بالضبط؟ كسر فيها ونص إن شاء الله. donc celui-là sera pour يوم السبت samedi. on prend le 2. أيوة. غدا الجمعة ما في درس. pour يوم السبت. نعم. طيب. أضيف الكلمات الأولى إلى الثانية. طيب tu annexes le premier mot au deuxième. مثلا عندنا كتاب ومحمد. donc on va faire كتاب محمد. on a par exemple مكتب والمدرس. ça va faire مكتب المدرس. طيب الاول قلم حامد. عندك يا محمد. قلم حامد. قلم حامد. ها قلم حامد. ما في تنوين قلم حامد يا يا با قلم حامد. قلم حامد. مفتاح البيت. مفتاح البيت. نعم. بيت عباس. بيت عباس. نعم. دكان التاجر. دكان التاجر. غرفة التاجر. نعم. غرفة علي. غرفة علي. نعم. بيت المهندس. بيت المهندس. مهندس c'est un ingénieur architecte, une personne qui gère les qui gère quoi? ça dépend du sujet quoi en fait. on va dire ingénieur architecte, tu vois. ça peut être aussi un mécanicien dans certains cas. ou par exemple si demain tu un chef d'équipe, tu vois, un chef de chantier. ça dépend du sujet dans lequel tu es. ça peut être de l'informatique, de la construction, de plein de choses. En tout cas, généralement, c'est lui qui gère les choses, tu vois. Un ingénieur. Il est travaillé en dessous de lui et lui, il gère. Comme Abou Shaima, tu arrives par la main à la poche. Ah, Abou Shaima, c'est Mohandis, par exemple. Moi, il ne le connaît pas. Ton voisin ? Il ne le connaît pas. Sauf qu'il arrive après, il ne sait pas ce qu'il fait. En tout cas, c'est un frère, quand il construit, il dit toujours fais ça, parce qu'il était architecte. À travailler, tu vois. C'est un mohandis. Demain, tu fais une maison, tu auras un chef d'équipe et des travailleurs. Le chef d'équipe, c'est le mohandis. Ils disent aussi le mohallim, tu vois. Il est hier, il est avec nous dans le cours. Tayyib. Abdullah. Naam, Abdullah. Il s'appelle Abdullah. Abdullah. Tayyib. Daftarun Saïdun. Daftarun Saïdun. Naam. Ismun al-Waladu. اسم الولد لا لا لا لا لا مندير ياسر. مندير ياسر. كتاب الله. كتاب الله. نعم. قميص عمار. قميص عمار. بيت الطبيب. بيت الطبيب. سرير خالد. سرير خالد. مفتاح السيارة. مفتاح السيارة. نعم. طيب ثالثا دي اقرا واكتب مع الضبط اواخر الكلمات. Donc maintenant vous lisez en mettant les haraka à la fin. طيب باب المدرسة. Comment tu dis? باب المدرسة. نعم. حمار الرجل. حمار الرجل. رجل. بيت حامد. بيت حامد. نعم. سيارة المدير. منديل عمار. منديل عمار. اسم الطالب. اسم الطالب. بيت الله. بيت الله. في كتاب الله. في كتاب الله. نعم. من بيت المدرس. من بيت المدرس. على مكتب المدير. على مكتب المدير. نعم. Et sachez que il peut arriver que plusieurs mudafilei se suivent d'affilée. Voyez. مثلا tu dis دخلت tu dis مثلا هذا بيت مدرس محمد. C'est la maison du prof de Mohamed. Et ainsi de suite, tu peux enchaîner plusieurs mots d'affilée comme ça. Tu vois. Mais surtout sur un jour. Et tu comprends l'appartenance par l'ordre. Tu vois, par les étapes par l'ordre par lesquelles ils se suivent, tu vois qui est à qui. C'est pas obligé que tu aies un mot d'off et un mot d'affilée seulement. Tu peux avoir un mot d'off et 10 mots d'affilée derrière. Maintenant, vous avez compris pourquoi on dit Abdullah. Tu vois. Ou Abdurrahmani, Abdul Karimi, c'est ça, c'est Moudaf, Moudaf il est. Et maintenant, il dit Ikra. Donc on va dire ce qu'il nous expose. Awalan, Aina, Baytou Moudarrisi. Yakoul wa Baïd. Taïb, regardez, on va faire ce qu'on appelle. Al-i'rab. Al-i'rab, c'est l'analyse grammaticale. De trouver chaque mot, quelle est sa fonction grammaticale dans la phrase. Aïda, c'est un ism sifham. Voyez? Aïda, c'est un ism sifham. Baytou, c'est un mudaf. Et il est marfoua. C'est mudaf, il est déjà? Non. Baytou, mudaf. Mudaf. Mudaf. Et il est marfoua. Et le moudaf ici, et le moudaf il est. Sachant que le moudaf qui va à moudaf il est, qui est ma'alifa, il est ma'alifa aussi. Par exemple, si tu dis bait moudaf ici, bait sera considéré comme étant nakira. Et moudaf ici nakira. Par contre, si tu dis baitul moudaf ici, là il va être ma'alifa. Non, c'est désigné, tu vois. Donc là, il est ma'alifa ou nakira. C'est ça. Baitu al-mudarrisi. Il est ma'alifa. Parce que mudaf ilayhi, il est ma'alifa pareil. Donc, baitu, là, il est mubtada. Donc, il n'est pas mudaf. Il est mudaf, si. Ah, c'est mubtada. Mudaf peut être mubtada, peut être sa'i, peut être khabar. C'est autre chose, tu vois. Vous voyez, il se majeur par un khasfajab. Il peut avoir plein de choses. Là, dans cette phrase-là, baitu al-mudarrisi, baitu, c'est un mubtada. Vous voyez. Et quel mubtada, il a dit mubtada mu'akhar. Et Aïda, c'est ism, istifham, il est nakira comme on a dit, c'est un khabar muqaddam, comme on avait dit avant. C'est un khabar qui a été avancé, et bait, c'est un mutada qui a été décalé, reculé. Et il est mudaf, et le mudaf ici, mudaf il est. C'est pour ça qu'il est majrour. C'est lequel qui est majrour? C'est lequel qui est une kafra? C'est lequel qui prend une kafra? C'est lequel? Ouais, c'est un mudaf ici. Ah, taïeb, donc c'est mudaf il est. Il est là. Vous savez, vous l'écrirez à la fin, Inch'Allah. Ah, oui. نعم. Donc il est mudaf et il est mubtada. Il est d'abord mubtada et après tu dis mudaf. Il est ma'rifa. Il est ma'rifa parce qu'il est son mudaf il est ma'rifa. Mubtada mu'akhkhar ici. Non. Mubtada mu'akhkhar. طيب après il dit huwa ba'idun. Il est loin. Ou elle est loin plutôt parce que c'est la maison. Mudaf ilayh. C'est tout. Non. طيب الجواب لا يبوس هو بعيد donc هو c'est ضمير comme on a dit طيب ضمير et il est مبتدا طيب il est مبتدا هو لا يبوس et بعيد il est خبر طيب il est خبر لا on a pris la deuxième phrase هو بعيد خلاص on a fini la première phrase la première question هو c'est quoi هو مبتدا مبتدا ف ضمير في مبتدا بعيد خبر فقط اي لي ضمائر ضمير اللي توجور معرفه ساشي لو طيب ضمير معرفه دونك هو سي ان ضمير نعم سي ان ضمير اي لي مبتدا نعم فقط لا تمتدى خبر هو بعيد deuxième phrase القرآن كتاب الله القرآن مبتدا مرفوع طيب اجلس كتاب خبر مرفوع ومضاف الله لفظ جلالة مضاف إليه طيب القرآن مبتدا وكتابه خبر إلي مضاف والله لفظ جلالة مضاف إليه دونك المبتدا مؤخر لا لا القرآن مبتدا نورمال عادي et pourquoi بيت إلي مبتدا مؤخر parce que là on a une question on a أين que devant donc là on reste l'origine il y a pas de changement الكعبة بيت الله الكعبة مبتدا مرفوع بيت طيب خبر مرفوع الى مضاف والله لفظ جلاله الى مضاف اليه الخبر مضاف نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله دونك محمد الى مبتدا مرفوع الخبر في رسول طيب الخبر رسول إلي مرفوع إلي مضاف ولفظ جلالة مضاف إليه إذن كتاب الله الله يكو مضاف إليه نعم يبقى الفكسون هذا نعم ودي لفظ جلالة نعم يكو مضاف إليه طيب خامسا خرج المدرس من غرفة المدير خرج ففعل ماضي المدرس في كيف يبقى الفعل في مرفوع يا اسم فاعل طيب اللي فاعل من حرف جر غرفة اسم مجرور تعمين من غرفة إلى مجرور أقصد من إلى مضاف نعم المدير مضاف إليه طيب هذا بيت حامد وذلك بيت خالد les halakas te disent que le blanc c'est à quoi le blanc c'est ici non طيب ثالثا هذا بيت حامد وذلك بيت خالد هذا اسم إشارة إلى اللي مبتدا بيت إلى خبر مرفوع يعني مضاف وحامد مضاف إليه واو حرف عطف طيب pour une chose de subordination, comme on dit. Voyez. Donc après, avec une nouvelle phrase. Wa dhalika, c'est un ism ishara, mubtada. Baytu, khabar, marfu, wa mudaf, wa khalidin, mudaf ilayhi. Voyez. Ibn Ammarin, talibun. Wa. Comme non. Baytu, par exemple, Khalidin, on peut pas dire que tout ça c'est le khabar? Là, non. Le khabar c'est là, c'est juste le marfu. Quand, ça peut être une phrase aussi, mais là dans ce cas-là, c'est un moudaf ou d'offelei. C'est juste le moudaf qui prend le jument. Moudaf ilayhi. C'est moudaf ilayhi. Ce qui vient derrière le moudaf, c'est moudaf ilayhi. Son irlab, c'est moudaf ilayhi tout le temps. On dit de lui moudaf ilayhi. La. Tayeb. Ibn Ammarin talibun. Wa ibn Yasirin tajirun. Ibn, là il est Mubtada, marfou. Et il est Moudaf. Ammar, Moudaf ilayhi. Talibun, Khabar. Voyez, marfou. Comme je disais, Ibn Amirin, Talibun. Le fils de Ammar, c'est un Talib, c'est un étudiant. C'est ça en fait. Après on a Waw, Haf, Atf. Après on a Ibn Yasirin, Tajirun. Donc Ibn, c'est Mubtada. Marfou et des Moudaf. Yassir, Moudaf ilayhi. Tajirun, Khabar de Ibn. Mafoum. Oui. Donc maintenant, les autres, Inch'Allah, vous les ferez pour Yom Sept. À partir de. C'est la 8. Donc de la 8 jusqu'à la 18, faut être à la maison. À la 20, il y a ça jusqu'à 20. Est-ce que vous savez pas, vous laissez. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore pris. Essayez. Allez voir. Et si jamais vous avez des trucs que vous ne savez pas, vous laissez, Inch'Allah. On corrigera ensemble, Inch'Allah. Vous basez sur ce qu'on a appris depuis le début. Voyez, les règles qu'on a appris depuis le début. Voyez, après il dit Khamishan. Kawin. Jumalan mufidatan bimal'i al-fara fi ma yali. C'est-à-dire, fais des phrases qui ont un sens, des phrases jumelage mufida, en complétant le trou. Voyez, par exemple, il dit al-bayti mu'amakun. Donc là, on a besoin de quoi? D'un mutada qui est mouda. Qu'est-ce que tu vas dire, Mohamed? Al-Bayti Mughlaqun. T'as un Mubtada qui est Moudaf. Qu'est-ce qui est Mughlaq? Donc tu dis Bab al-Bayti Mughlaqun. Ahsant. Deuxièmement, Aina al-Sayyarati. Là t'as encore un Mubtada Mouakhar qui est Moudaf avec Sayyara. Tu veux dire? Donc je mets que Babou en fait. Non, Bab. Babou. Là. Là on a fait Yorati. Moudaf il est. On a besoin d'un Moudaf. Et il sera Moutada Mouakhar. عجلة. عجلة تبقى درجة لا عجلة في خصها. أين عجلة؟ أين عجلة سيارتي؟ نعم أين عجلة سيارتي؟ عجلة الأغو. يسونا. عين جيم لا تاء مربوطة. عجلة. أمسكوا. هذا قيوم. يسونا. C'est roue en général de voiture c'est un roue. Parce qu'elle est dans Adilati. Là, c'est un Moudaf. Donc vous faites pareil pour les autres. Je vous donne beaucoup parce que Adel va finir. Donc de la 3 à la 10, c'est pareil. Il est. Jilis? Jilis? Naam. Donc je peux dire Aina, Aina Miftahu, ou juste Hein? Aïe, moi. Après, il dit, ça dit, sahih et tarkibat et talia. Vous devez corriger les assemblements, les assemblages, ils sont présents. Quand il veut dire assemblage, il veut dire moudof, moudof, ilayi. Tarkib, c'est le fait de monter des choses ensemble. Par exemple, là, ou rakib, al-rita, bil-kalem. Ou comme les Lego. Et moudof, moudof, ilayi, c'est un tarkib. C'est un assemblage entre deux mots. طيب يدي القلم الطالبي الاولى الطالبي الف اللام نعم يا فاضل الف قلم اللي مضاف تبقى قلم الطالبي باب سيارته الاولى نعم باب سيارتي بنت حامد عندك محمد الاولى بنت حامد بنت حامد حامد نعم حامد الرسول الله الاولى غا نعم tu dis pas alif wa lam tu dis رسول الله et non pas الرسول الله اسم الولد اسم الولد نعم لكن كثرة ابن المدرس ايوه يا فتنون في ابن ابن المدرس ايوه متنول نعم ابن طيب سابعا on va prendre une chose nouvelle c'est ce qu'on appelle tu dis Mohammedun voyez Mohammedun quand tu as rien on dit Mohammedun et si tu l'appelles avec harf adida c'est à dire ya tu dis ya Mohammedou Tanouin. Tayeb, tu dis Ya Mohammedoun. Tayeb, Ya Mohammedou. Tanouin. Et Ya, qui ici s'appelle Harf Nida, c'est un particule d'appel. Ya, c'est Harf Nida'in. طيب حرف نداء نداء فرجي أبل حرف معروف لونا مضاف مضاف إليه حرف نداء دونك si tu appelles quelqu'un et que son nom c'est pas un moudof moudof ilayi tu vas dire ya Ibrahim tu vas dire ya Mohamed ya Khalil ya Zaidou voyez ya Fulano ainsi de suite donc il dit kra waktoub ma azabt awakhir kalimat maintenant vous avez des noms avec des harfs nida devant donc prononcez les avec le la prononciation qui est correcte. Indek Mohamed. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali Yulan. Ya Abbas. Ya Abbas. Nam. Ya Sheikh. Ya Sheikh. Ya Rajul. Ya Rajul. Ya Asir. Ya Asir. Ya Asir. Comment tu dis la fin? Yassirou. Hein? Yassirou. Yassirou. Yassiroun. Yassiroun. Tanouil. Pas mal. Aïe, ouais. Yassiroun. T'as fait ça à voir. Ya Ammar. Ya Ammar. Docteur. Docteur. Ya Docteur. Ya Docteur. Non, comme le docteur, c'est pas. Non, c'est pas. Il veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a un doctorat. N'importe quelle matière. Je crois que c'était dans les idiomes. Il dit Ikra al-misal al-aati, summa kawin asilaten misla. Mislaru, mushiran il-suwar al-taliya. Par exemple, vous avez Kitabu Man Hada. Vous faites pareil avec les images qui sont en dessous. Donc avec le colonne, tu veux dire quoi? Le livre de qui? Kitabu Man Hada. Kolamu Man Hada. Nam. Kolamu Man Hada. C'est le stylo de qui? Summa. Non. Après? Voilà. Allez, je vais avec la même chose derrière Kolam. Non, en dessous de Kolam, c'est on a pris Kolam. Kamisu. Kamisu man hada wa. Fakat. Kamisu man hada. Wa zaytu man. Dalika. نعم هذاك محمد طرابي اذا فيه الحمد لله نعم بس كده فات كما اللي اذا فيه شو ذلك ايش ذلك في كون اسم اشارة نعم Mais c'est pas ça, c'est pas ça qu'il voulait. Parce que regarde, les lignes elles sont séparées. Ah non, mais c'est pas grave, je pense qu'il a dit, il est correct, tu vois. Moi je crois qu'il avait mis deux pour que tu fasses. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Fadl Mohamed, dernier. Kamisu man hada. Hein, c'est ça? Non. Ah non. Sarir. Ah, hada sarir. Là, là. La même question qui s'est au début. Ah, sarir man hada. Non. Maintenant, on va prendre une règle de lecture par rapport au Hamza tu wasl. C'est le Hamza qui n'a pas la tête du aïn, kaza. Hamza tu wasl. Il dit ismun. Ismun waladi Muhammadun. Ça y est, quand on devient tout seul, je dis son nom. Aya. Un article, Baddaf, il est jalasta. Il est zahabta. إذا ذهبت ما أعطيتك. طيب اسم كتابك كما أصبع حمزة الوصل au tout début tu le prononces اسم. طيب mais si tu es suivi d'autre chose avant tu fais la liaison et t'enlèves le حمزة. Par exemple tu dis اسم الولد محمد واسم البنت زينب. Pourquoi là tu as fait la liaison entre le واو? Par contre tu t'arrêtes وا اسم البنت. طيب الف حمزه الوصل تقبل ومن وقف بيتو تام ها ابي تو بيتو تام لوجي ده اوفيت سي با الحمزه في حمزه اوفيت حمزه با الف في حمزه يبقى بيكو فبيتو وتام عرب بيتو كل تام حمزه الوصل تقبل Si jamais tu es tous les temps en français, il faut un dev de grammaire française. Les 52. Hein? J'ai dit les 52. Non, on finit ça, Inch'Allah. Hamza. Hamza. Hamza tu wasli. Yep. Hamza tu wasli. Hamza tu wasli. Et deuxième, c'est Hamza tout kota. Il viendra après, Inch'Allah. D'accord. Donc, le Hamza al-Wasl, dans la liaison, il ne prononce pas. Et si tu t'arrêtes, tu le prononces. Par exemple, Ismul Mudarrisi Hamidun. Après, il y a question. Masmul Mudiri. Tu dis pas ma ismul mudir, ça c'est khatab. Tu dis masmu. Le hamza il tombe, il ne prononce pas. Mais si tu arrêtes, tu le prononces. Tu dis par exemple ma ismul mudiri. Il y a quand même le mem. Hein? Tu dis quand même le harakatay. Ma... Non, attention direct. Masmu. Ah, tu dis pas ma. Tu dis pas ma masmu. Masmu. Voyez? Donc si tu arrêtes, tu le prononces. Si tu si tu fais une liaison. Tu ne prononces pas. Pareil, Ibn. Ibn, d'accord. Ibn Khalidin fi madrasati. وابن حامد في الجامعة. نقول ستعرف ستعرف ابن خالد في المدرسة وابن حامد في الجامعة. طيب مفهوم ذا؟ دوليام سي ابن المدرس ابن المدرس في الفصل. La question, Aina Bnoul Moudiri. Voyez, tu dis pas Aina Ibnoul Moudiri. Tu dis Aina Bnoul à l'atoll. Par contre, si tu t'arrêtes, tu dis Aina Ibnoul Moudiri. Voyez, donc comme on a dit, la règle, dans la religion, il ne se prononce pas. Si tu t'arrêtes, tu le prononces. Dans le ma, par exemple, si je dis Ma'ala, là je dis hein? Ma'ala Maksabi. Ça fait autre chose. Il n'y a pas de Hamzat al-Wasl. Non, c'est pas ça. C'est par rapport au ma. Là, il y a un ben. Là, il est un peu. Ouais, parce que quand tu mets, quand il est collé à un autre truc, là, il n'y a pas le mat. Si il y a Hamzat al-Wasl, tu le prononces normal. Directement. Non. Mas Mukada. Tu dis pas Mas Mukada. Voilà, c'est ça. طيب. Dernier, il dit Ikram Yali Mura'ayen Kawaid Nutk Hamzat al-Wasl. Eh là, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. Hamzat al-Wasl du Rajul. C'est ça. Hamza, ça c'est le nom du. Non, j'ai mis un ha. Moi j'ai mis un ha. C'est un ha. Mais t'as pas dit ha toi, t'as dit ha. Oui, mais parce que lui il a dit ha. Alors moi j'ai dit ha ou ha. Enfin j'ai dû dire ha et j'ai dû dire ha. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et ha c'est le nom de l'autre ton frère. طبعاً. Donc maintenant lisez les phrases là en appliquant les règles qu'on vient de prendre pour le Hamzat al-Wasl. Je vais l'oula, t'as pas de ya Mohamed. Ibn Muhammadin fil Iraqi. Wabni Hamidin. Wa? Wabni Hamidin. Wabnu. Wabnu Hamidin fil Iraq. La. Fil Hind. Naam. Faddal. Kharaj ibn al-Tabibi min al-Bayt. Naam. ذهب ابن الثابر الى السوق. نعم. باش تعرفي لهم تجي ابن. نعم. شنو ذهب ابن التاجري تاجر تاجري. ذهب ابن التاجري تاجري. نعم. تاجري الى مضاف اليه. الى سوق. الى سوق المجهول بار الى. C'est Majuro Ilay. Non, c'est Majuro. À cause du Harf Jar qui est devant. Il est. La Tadhab Irja. Fadzal. Ismul Muhandisi. Faisal. Wasmul Tabib. Wasmul Tabib. Mas'oud. Non. C'est Mas'oud ou Mas'oud? Mas'oud. نعم وفيصلون وفيصل ها طيب خامس ما اسم الرجل نعم ابن من انت انا ابن الوزير نعم انا ابن الوزير في المنيسخ دوك اوبرون لي كلمات جديده الرسول معروف المساجد العم كلمة جديدة العم العم سي كوا عم سي لو فرير دو بير سي لونكل باتنال ده صح ده من الفاظ كنا بس انصم طيب عم عمي سي لو فرير دو بير سي لونكل باتنال عمي عمي خالي و خالي سي لوك ماتانيل الشارع سي لا رو المهندس اون ا دي سي لاشتيك انجينير الشارع لا رو لا رو فيش دو ليير ان انغلي نو مي رغا لا كابيت ديريكت اون تو با كومبري لا رو سي مي لا رو سي لا بيان فيت با لا بيان سورتي طيب الكعبة معروف. هو ما ديتي كوا كعبة صالي فلم. كعبة بس لا كعبة. صالي فلم. كان كوب. كان كوب. Al-Khal, comme on a dit, c'est l'oncle maternel, le frère de la mère. Là, le Ka'ba, c'est la Ka'ba, Baytullah. Mourakun, ça veut dire fermé. Al-Khalou, c'est pas ah, oui. L'oncle maternel. Mourakun, ça veut dire fermé. Moi, c'est pas Ka'ba. T'as pas Al-Ka'ba? De toute façon, c'est pas grave, tu connais. Zaralouf. Il n'y a pas un musulman qui ne connaît pas la Kaaba, en général. À part peut-être un débutant qui vient de se convertir hier. Et même le Koufa, il la connaît. Voyez. El-Ismu, c'est le nom. Pourquoi il y a marqué El-Kaaba ça? Je sais pas, c'est peut-être une erreur d'impression. C'est tout, hein. Ça dépend s'il veut lui par là. En tout cas, l'important, c'est le mot. L'important, c'est le mot. Tu vois. Tu vois, ça peut être une erreur d'impression. Al-Haqibatu, on a dit c'est la sacoche, la valise, le sac. Tahta, ça veut dire en dessous. Vous voyez, Tahta en dessous. Ismou, le prénom. Nam, le nom. Le nom. Ouais. Ça peut être un prénom, ça peut être aussi un nom, ça dépend. Al-Ibnu, le fils, Marlouf. Al-Sayyaratu, la voiture. Hunaka, c'est Ismou Shara qui veut dire là-bas. Ou oh, ici. Ici, c'est pas Huna. C'est le même, sauf qu'il y a un kef qui a été rajouté. C'est Huna. Kef, ça veut dire là-bas. Mais t'as aussi Huna, Lika. Mais Huna, Ka, c'est là-bas. Bon, allez, c'est pour dire proche, on dira Huna. Hein ah? Oh ouais, tu peux, mais tu peux dire c'est Huna, Ka. Et le tajif, Huna. Tu t'assois ici. Tu peux le dire, c'est pas. Mais c'est quoi le sens? C'est pas de sens. C'est comme Haza ou Zalika. Tu peux prendre. À la base, il y en a qui pourraient prendre. Si, mais c'est pas obligatoire, c'est l'origine. Mais si tu dis Huna Ka, tu peux dire ici, c'est pas interdit. Allô. Tu vois, c'est pas interdit. C'est mieux de dire Huna, mais tu dis ici, c'est pas faux non plus, tu vois. C'est pas faux non plus. C'est qui c'est. Là, en dessous, c'est écrit le. Mourlok, c'est fermé. Ah, d'accord, et tu l'envoies par quoi, par où? C'est pas le verbe, c'est fermé. L'état, fermé. Ouvert, fermé. Fermé. Mais moi, je comment parle d'Al-Jazira. Non, c'est pas un verbe. C'est un mot qui veut dire fermé. On a Al-Jazira ici, là. Ouais, bon, vas-y, bah, tu mets Mohamed. Vous voyez. Et ce qui est ici, là, c'est écrit là, en fait. Dans le kitab. Ce qui est ici, c'est écrit là. Juste là, j'ai rajouté quoi? Les sites du Boudaf. Mohamed. Les sites du Boudaf, il est là. Bah, tu mets Mohamed. Vous voyez. Mohamed. Ah, tu mets mon prénom. Faïla Houda. Ouais,